il est où le micro? Est-ce que vous m'en... Ah, il est là le micro. Dis bonjour au micro. Bonjour micro. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Yeah. Et là, il y a un micro. Ah, mais c'est un micro stéréo. Ah ouais, c'est un micro à gauche, à droite. Non, ça fait pas, ça marche pas. Ah, je suis à fond, je t'ai mis à fond. Qui joue à 6h du matin avec les Américains, avec Donald Trump. Sur ta guitare, ça va pas ça. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.